Donc c'est pas tous les jours, enfin c'est pas facile de voir vraiment, de connaître tout le monde sur le terrain. Donc le rôle d'un coordinateur, c'est justement une association ou une personne qui a déjà un carnet de contacts ou qui a l'habitude de travailler avec des structures, un réseau ou des réseaux, et qui va pendant la fête essayer de transmettre un peu les informations, les propositions, de proposer pourquoi pas des programmes et coordonner la fête à son niveau. Donc comment on fait ? On vous envoie un mail, il faut envoyer son CV, il faut on est une association. Oui, il suffit de nous contacter, on essaye de voir ensemble ce qui est possible, est-ce que c'est... Aussi simplement que ça. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas de relation. C'est juste petit rappel historique, C'est vrai qu'au départ, quand j'ai lancé la fête, il n'y avait pas de coordinateur, forcément, il y avait tout inventé. Et je me suis rendu compte que c'était quand même un gros handicap de ne pas connaître du tout les gens sur place. On ne connaît pas les salles de cinéma, on ne connaît pas les associations, on ne connaît pas les réseaux, on ne connaît pas les ressources. À la rigueur, ce qu'on avait, nous, c'est qu'on connaissait les professionnels qui étaient sur place, parce que l'AFCA a des bases de données qui permettent ça. Mais ça s'est vite imposé à moi, c'est que... Je voyais qu'il y avait des gens qui avaient des compétences que j'avais absolument pas. Donc, je me suis dit, autant se reposer sur les compétences de ces gens-là, qui font déjà, à leur niveau local, un travail formidable et qui pourraient élargir un petit peu leur rayon d'action, on va dire. Et c'est vrai que ça, c'était du travail en plus pour eux, mais quelque part, ça leur apportait quelque chose parce que ça leur permettait de rayonner sur une plus large échelle, on va dire. Après, ça peut être parfois un peu compliqué à gérer pour le coordinateur au niveau national. Parce que, et puis, il y a différents profils aussi. Il y a des pôles images, des associations, des réseaux de salles, des festivals. Enfin, un festival. Voilà. C'est aussi, chacun fait en fonction de son temps, de ses moyens, de ses habitudes de travail. Il faut choisir l'un plutôt que l'autre. C'est pas facile. Oui, parce qu'il peut en avoir qu'un par région, évidemment. Oui, alors il peut y avoir un coordinateur régional et après aussi des relais dans les départements. Alors vas-y, parle-nous de cette nouveauté. Le blog officiel de la fête du cinéma d'animation. Alors vas-y. Non, donc on s'est décidé en fait à ouvrir un blog cette année qui en fait complète un peu les informations qui sont mises sur le site de l'AFCA. Donc sur le site de l'AFCA, on peut trouver toutes les informations pour comment participer à la fête, qui sont les coordinateurs, tout le programme région par région. D'ailleurs, ça y est, il est en ligne officiellement depuis cette semaine. Et en fait, l'idée du blog, c'était de pouvoir mettre en ligne des informations sur les secrets de fabrication de la fête, entre guillemets. Expliquer un peu comment on choisit l'auteur de l'affiche, qui sont nos partenaires de programmation, qui sont les coordinations. Et puis ensuite, pendant la fête, mettre des informations au jour le jour sur ce qui va se passer en région, des comptes rendus de séance, peut-être des vidéos. Avoir quelque chose d'un peu plus flexible et plus actualisé tous les jours. Et donc tu vas redire trois fois l'adresse très doucement. D'accord, donc... http://. Oui, on va peut-être pas tout faire non plus à chaque fois. Vas-y, directement, je pense que ça en a juste. afcafet.blogspot.com. Waouh, donc comme c'est compliqué, faut. Donc afcafet, afcafete, blogspot, blogspot. com. Okay. Sinon, si on va sur le site de l'AFCA, on a le lien direct. Il y a le lien direct, tout à fait. Et on le redira de toute façon à la fin. On va ensuite... Je sais que beaucoup attendent ça. Il a un nombre de fans incroyable. Les gens attendent de l'entendre. Je vous promets que juste après cette nouvelle couture musicale, vous entendrez Olivier Gatrin tout le temps. Je vous comprends. Moi aussi, j'attends ça avec impatience. On va écouter un deuxième extrait de Dimmu's Party Beyond, parce que je suis comme ça quand j'ai une obsession. Donc Dimension Bomb encore, celui de Koji Morimoto. Et là, on arrive plutôt vers la fin. Donc ça doit être, si tout se passe bien, le morceau numéro 5. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Vous disiez quoi? Et oui, il dit des choses. C'est les cuisines. Hors antenne. Alors, c'est toute une histoire. Enfin, je ne peux pas tout vous raconter parce qu'après, ils vont venir. En tout cas, c'est horrible. Juliette me jette des regards là. Ça va pas dans toute tête. Ouais. Enfin, bon, c'est une histoire de ce truc comme ça. On écoutait, c'est bien sûr Bulle de rêve. Je disais que c'est un peu n'importe quoi. L'émission 100% animation sur Radio Libertaire. Surtout quand Olivier Catrin est là. Donc, on parle de la fête du cinéma d'animation avec Anne Barguin, Juliette Crochu et notre Elvis national. Love me tender. Waouh, j'étais sûr qu'il le fera un jour. Nicolas est complètement désespéré. Et oui, il a changé. Hein, c'est... Olivier Catrin, donc ancien de l'AFCA, jeune producteur, vous l'avez déjà entendu dans ses différentes casquettes. On va pas revenir là-dessus. On va parler dans l'avenir qui nous reste de cette journée du 27 octobre de 10h à 19h30 au Forum des Images. L'entrée est libre Donc n'hésitez pas à venir. Ça s'appelle l'état des lieux de la production française du cinéma d'animation. C'est organisé par l'AFCA. Ça organise tous les combien ? Bon, il n'y a pas de rythme particulier. C'est vrai que l'AFCA a fait ça plusieurs fois. Je crois que la première fois, c'était dans les années 80. Il y a un compte-rendu et tout ça qui existe. Ça a été ensuite organisé à nouveau au début où j'étais à l'AFCA, il me semble, donc à la fin des années 90, quelque chose comme ça. Et on l'a fait ensuite pendant la fête, il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, au Forum des Images. Oui, 2004. Bah, 5 ans, ouais, le temps passe. Donc il n'y a pas de rythme particulier. C'est l'occasion de temps en temps de faire le point sur la production, les problématiques, où on en est. Est-ce que c'est important de mettre dans... Important de le rappeler, il y a marqué dans le dossier de presse, hein, c'est pas, la France est première productrice de films d'animation en Europe, troisième dans le monde. C'est des choses qui sont importantes à rappeler. Ça va si bien que ça, l'animation en France. J'avais cru entendre que, j'entendais des gens encore hier qui disaient que c'était un peu la crise. Bah, c'est la crise pour tout le monde, donc forcément c'est aussi la crise pour les gens qui produisent des films d'animation. C'est, alors, ça se passait bien avant, c'est vrai que le contexte était plutôt bon dans tous les domaines, mais c'est vrai que la conséquence directe de la crise, c'est la diminution de la publicité à la télévision, donc la baisse de ressources de ces chaînes de télévision, en tous les cas pour les chaînes privées, TF1 et M6 essentiellement. Et s'ils ont moins de ressources, eh bien, ils mettent moins d'argent dans les productions. Et ils prennent les vieux trucs. Voilà. Et en plus, se rajoute à ça le fait qu'il y a beaucoup de sociétés de production qui produisent de la publicité. Il y a beaucoup, vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup d'animations dans les publicités aujourd'hui. Et eux, alors là, ils ont un retour direct et redoutable sur leur projet. Alors là où c'est intéressant, c'est que ça va changer un peu la donne. Parce que ceux qui souffrent le plus de cette crise, des effets de cette crise, ce sont les grosses structures qui ont des gros frais de structure, de fonctionnement, qui sont donc plus chers. Et du coup, les commanditaires s'adressent à des structures qui sont plus petites, qui sont moins chères, et donc ils découvrent un peu. Alors les petits en général s'en sortent pas trop mal, et les gros ont beaucoup de mal, et bon, ça va durer encore quelques années, malheureusement j'en ai peur. La seule chance qu'on a là-dedans, c'est cette merveilleuse idée qu'a eu notre président adoré, Nicolas Sarkozy, de attention la publicité sur France Télévisions. Donc c'est Olivier Gatrin qui parle, là, je tiens à le préciser. Vas-y, grille-toi. Ça a été d'abord catastrophique, parce qu'il a fait une annonce qui n'a trouvé sa solution qu'un an plus tard. Donc pendant un an, France Télévisions a bloqué quasiment ses investissements. Mais au bout d'un an, les fonds de France Télévisions étaient garantis. Donc ils n'étaient plus touchés par l'effet de la crise. Et donc France Télévisions continue à investir dans l'animation comme avant. Mais continue, donc, France 2... Ça sauve un peu la profession quelque part. Il y a quasiment que France 3 qui faisait France... Non, l'ensemble de France Télévisions... est un gros investisseur en matière d'animation. D'accord. Voilà. Donc finalement, quelque part, les effets de la crise sont atténués grâce à cette décision-là. D'accord. Voilà. Il ne s'attendait pas à ça, Nicolas Sarkozy. Oui, hein. Bon, si ça peut servir à l'animation, tant qu'à faire, autant en profiter. Voilà. Sinon, quand même, pour le reste, l'argent de l'animation vient aussi beaucoup du CNC, hein, Centre National de la Cinématographie. Et là, de ce côté-là, tout va bien, puisque les gens continuent à aller voir des tas de films en salle. Donc, il y a des recettes importantes au CNC. Et voilà. C'est cette journée, en fait pas la journée, c'est vrai que non, on va en reparler dans ce cas-là pour les courts-métrages uniquement. Parce qu'on va reparler du CNC. Ça commence à 10h. 10h, 13h, en plus c'est toi qui es le modérateur sur ces deux tables rondes, ça va être deux tables rondes, tu nous en parles un peu plus, on commence en fait par, parce que la journée va être découpée en trois, long métrage, série et court métrage, tu nous parles déjà donc du long métrage, qu'est-ce qu'on va voir? Alors on va faire deux études de cas en gros, sur un film à faire et sur un film terminé, voilà, donc deux films différents. Le film à faire... C'est un film, c'est un projet de film donc, qui est en train de se monter. C'est un film co-réalisé par Jacques Tardy, l'auteur de BD bien connu, sur un scénario original de Jacques Tardy, enfin co-écrit par Tardy. Donc ça s'appelle Un monde truqué, produit par Je suis bien content. Donc c'est un film qui est en train de se monter. Qui avait produit quoi déjà ? Alors, qui a surtout produit des courts-métrages et des séries, mais qui a été le producteur exécutif de Persepolis. En fait, l'essentiel du film s'est réalisé chez Je suis bien content. Ça leur a effectivement donné une légitimité pour pouvoir ensuite monter un projet de long-métrage avec, ambitieux, parce que c'est quand même un projet assez lourd. Donc on va voir un peu comment se monte ce projet, les difficultés qu'il y a, pourquoi Je suis bien content passe à, justement, à monter un projet de long métrage en tant que producteur délégué, donc tous les risques financiers et tout ça. Et puis, sur le projet lui-même, c'est vrai que c'est pas complètement anodin, un projet de Jacques Tardy. Voilà. Donc on parlera notamment avec le producteur Marc Jousset et le réalisateur du film, Christian Desmarres, donc qui co-réalise avec Jacques Tardy. Mais c'est lui qui a vraiment la connaissance en matière d'animation. On va voir des images ? On va voir des images, bien sûr qu'on va voir des images. Parce qu'il y a déjà quelques images qui ont été fabriquées, pilotes. Ouais. Donc l'idée, on va parler après avec l'autre, mais l'idée c'est évidemment de tenter de faire plaisir, ou en tout cas de comment dire, que tout le monde ait un peu son compte. C'est-à-dire des gens qui viennent là pour le côté économique, ou se dire comment on monte un long métrage aujourd'hui, et puis aussi les fans d'animation. L'idée c'est vraiment de tenter de plaire à tout le monde, mais en tout cas d'essayer d'ouvrir ça comme c'est en porte ouverte, enfin c'est entrée libre, d'essayer que le plus grand nombre comprennent le plus grand nombre de choses, on va dire. Oui, on va parler du projet artistique et puis on va aussi parler de la problématique du producteur. Qu'est-ce que c'est que monter un projet de long métrage d'animation lourd, parce que c'est un gros budget quand même, mais quand même avec un nom connu, hein, parce que Tardy, c'est pas le premier venu. Et puis ensuite, on parlera des Lascars. Excuse-moi, je te coupe et c'est pas bien, mais est-ce que c'est une obligation ? Est-ce que Persepolis, c'était déjà de la BD ? Là, c'est de la BD ? C'est pas une obligation, mais c'est une mode, en tout cas. Il y a beaucoup d'auteurs de BD qui, aujourd'hui, se lancent dans l'animation. Sfar. Zep, ouais. Tardy. Enfin, bon, il y a pas mal de... Je sais que Larsenet, même s'il n'intéresse pas trop, lui, de le faire, mais il y a aussi des projets d'adaptation de ces BD ou quoi. Oui, il y a un effet de mode en ce moment. Mais particulièrement en ce moment. C'est vrai que les auteurs, les grands auteurs de BD sentent qu'il y a une opportunité aujourd'hui, qu'il y a une possibilité. Donc, effectivement, il y a... Et puis, c'est plus facile de monter un projet avec un grand nom déjà reconnu. Il n'y a pas tant de grands noms reconnus dans l'animation, et en fait ils sont peut-être plus dans la BD aujourd'hui. Donc ça facilite un peu les choses, quoi. Donc après tu disais Lascar, c'était une série bien connue qui est devenue un long métrage qui est sorti en salle au mois de juin, quelque chose comme ça, ouais. Je crois, hein, qui a pas mal marché d'ailleurs. Combien, c'est ce que je me demandais, 600 000 entrées, pas mal. C'est pas mal, surtout que c'est un film qui n'est pas destiné aux enfants du tout, donc c'est même un très beau succès, on va dire. Donc on va avoir les deux réalisateurs du film, ainsi que le producteur exécutif, et on va parler un petit peu de cette aventure. Alors on va essayer de prendre un petit peu dans les différentes étapes, on va parler de l'écriture, du travail d'adaptation, parce que c'est quand même... Les Lascars, la série, c'était des épisodes d'une minute, donc en faire un long métrage, c'est quand même pas quelque chose d'évident. Et puis, ensuite, les choix aussi sur la fabrication du film, comment on a fabriqué ce film. Vous savez que parfois, les films d'animation, ils sont fabriqués dans 4 ou 5 pays à la fois, dans les 4 coins du monde. Ça pose des problèmes. C'est plus rentable économiquement, bizarrement, mais ça pose des problèmes. Et là, ils ont fait un autre choix, et ils vont en parler un petit peu. Et puis, on va pas mal parler du processus créatif, là, je pense. On va notamment voir des étapes intermédiaires de la fabrication du film, les premiers animatiques, les premières images qu'ils ont montrées aux chaînes de télé pour les vendre, etc. Et ce qu'est devenu le film après. Donc, on va beaucoup évoquer toute cette partie-là. Et puis aussi, forcément, un petit peu le retour public. Par exemple, on a deux jeunes réalisateurs, pas si jeunes que ça en fait, mais débutants dans le long métrage. Tout d'un coup, ils ont fait ce long métrage qui marche bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux en matière de retour, de reconnaissance et tout ça ? C'est une donnée qui compte beaucoup pour les gens qui font des films d'animation. Oui, c'est ça, de savoir ensuite ce qu'on peut faire après. Ça change un petit peu la donne. Parce que finalement, il y en a assez peu. Enfin, c'est pas évident de faire Oslo, Jacques-Rémy Girard. Des gens qui ont fait plusieurs longs métrages d'animation en France, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Hein, à part Michel Oslo et Jean-François Laguioni, Jacques-Rémy Girard en a fait deux pour l'instant. On commence un troisième. René Laloux, bien sûr. Serge Elissal en fait un deuxième. Enfin, deuxième, mais oui. Laloux en a fait trois. Enfin, maximum, c'est trois. Quoi. C'est fou. Ouais, donc c'est vraiment difficile de refaire. Et surtout, je suppose, c'est intéressant parce que quand on fait un film comme Les Lascars qui est tiré d'une série, donc qui est déjà bien dans une case, on va dire, dans la tête des gens, est-ce qu'en effet, on peut faire autre chose? Par exemple. On va parler de ça aussi parce que y a... c'est quand même un pari gonflé, Les Lascars. Quand on voit la série, quand on voit le ton du film, au bout du compte, quel est le choix quand on est une société comme Minimage, qui n'a quand même pas la réputation de faire des films pointus pour adultes, hein, qui essentiellement produit des séries télé, ouais. Voilà, comme toutes les séries télé s'adressent à un public familial, qui a produit des longs-métrages qui étaient aussi familiaux, on va dire. Pourquoi, à un moment donné, il se lance dans un projet comme ça, et quel a été le rapport, justement, entre les producteurs, Minimage, et les réalisateurs, qui, eux, c'est évident, quand vous allez les voir, c'est des gens qui sont proches de cet univers de Lascar. Voilà, on va poser des questions par rapport à ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est vraiment d'avoir deux cas complètement différents. Puisque y en a, non seulement le film est fini, parce qu'il pourrait être fini, mais il est sorti en salle. Et je le disais tout à l'heure, c'est la sortie de DVD. Même le jour même, il y aura une petite présentation le soir même dans la salle avec les réalisateurs, etc. Voilà, c'est donc ça. Il va être diffusé. Il va y avoir aussi un petit peu de bonus qui vont être diffusés et commentés. Ce sera vraiment toute une journée avec pas mal avec les Lascars. Donc, il est sorti, qui fait maintenant un nouveau marché, un nouveau modèle économique, quelque chose. La poursuite de son aventure, on va dire, à travers le DVD, alors qu'à Montruquet, évidemment, on est quand même quasiment qu'au début. Oui, mais on n'est même pas sûr que le film se fasse au jour d'aujourd'hui. Dit comme ça, ça fait peur. Oui, mais c'est très compliqué, on va évoquer ça, je pense, mais monter un projet de long métrage en animation... Vu les budgets que ça représente, je pense que jusqu'à presque au dernier moment, on n'est pas absolument sûr de pouvoir faire le film. On parle de ça ? Rapidement ? De toute façon, on ne va pas parler de la série parce qu'on s'en fout. Et on parlera du coup très peu. On parle de ce problème du budget dans l'animation. Parce qu'on en parle souvent, on en parle hors micro. Il est vraiment stupide de ne pas en parler pendant qu'on a l'antenne. Les budgets aujourd'hui d'un film d'animation sont entre 5-6 millions en Europe et jusqu'à 13 millions, on va dire, d'euros, on va dire, à peu près. Sachant qu'un film comme Là-haut ou le dernier Monster et Alien sont à 200 millions de dollars, ce qui, ou 175 millions de dollars, ce qui les fait à 150 millions d'euros, donc à 10 fois plus, et même beaucoup plus que ça, 10 à 20 fois plus. Il n'empêche... qu'aujourd'hui, le fait que ces budgets soient quand même de 6 à 13 millions, alors que la prise de vue réelle, par exemple, on peut en avoir qui vont de 300 000 à... Bon, plus cher aussi, mais quand même, on peut en avoir 300 000, 2 000... Il y a beaucoup de films à 1, 2, 3 millions. Voilà. Qui sont en plus produits en un an, alors que les films d'animation sont produits en plus longtemps. Donc aujourd'hui, on a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que, oui, quand on est sur des budgets comme ça, ça veut dire que pour avoir une rentabilité du film... il va falloir faire au moins un demi-million de spectateurs. Il n'y a pas beaucoup de films en France, de films français qui font un demi-million de spectateurs. Il y en a, c'est quelques dizaines par an, pas plus que ça. Donc ça veut dire que c'est un pari qui est très risqué. Donc forcément, on va plutôt vers des films qui sont des films, on va dire, familiaux, tout public. Donc un public d'enfants, on essaie de toucher aussi des jeunes adultes, on essaie d'intéresser les parents. Mais voilà, du coup, ça veut dire un certain type de film. Je dis ça, mais en même temps, il y a eu Les Tribulettes de Belleville, il y a eu Persepolis, il y a eu Renaissance, qui n'a pas été très rentable économiquement. Donc, on peut considérer que U n'est pas complètement pour les enfants non plus, si. C'est quand même un film familial. C'est plus familial. Voilà. Il est aussi destiné aux enfants. Même si ce n'est pas uniquement destiné aux enfants. Donc il y avait cette problématique-là. Donc ça veut dire quand même, malgré tout, des films à fort enjeu commercial. Voilà. Donc on peut pas, jusqu'alors, on n'a pas vraiment réussi à faire des films sur des petits budgets qui prennent de vrais risques. C'est impossible. Il y en a qui le font, c'est non ? C'est une vraie question. Plimpton, c'est pas très cher. Voilà. Il y a pas mal de films qui sont pas très chers. Nina Palais, Stassing the Blues. Voilà. On commence à voir des films. On parlait de My Dog Tulip de Paul Feringer, qu'on a vu à Annecy, qui est aussi un film à tout petit budget. Donc, on commence à imaginer qu'on puisse faire des films à tout petit budget. Alors, mais ça veut dire des conditions de production un peu spécifiques, des techniques, des choix de techniques qui sont un peu facile à mener, on va dire, qui ne demande pas des équipes de centaines de personnes. Et puis, probablement aussi des conditions de production qui ne sont pas aussi confortables que celles qu'on a habituellement sur de l'animation. Mais ce qui peut impliquer que et les pouvoirs publics, en tout cas le CNC, donnent plus d'argent, parce qu'il faut savoir que sur certaines aides, ils donnent, en fait, un pourcentage par rapport au budget final. Donc, il est évident que quand un film arrive avec 6 millions de budget et ils savent qu'ils vont pouvoir en aider peut-être 10... avec ce pourcentage-là, 10 prises de vue réelles à 500 000, j'exagère, mais en tout cas, il y a vraiment ça comme idée. Il est évident que d'un seul coup, si l'animation peut aussi baisser à 1,5 million, 2 millions d'euros, d'un seul coup, on va regarder ça différemment, sachant qu'évidemment, un public, comme tu disais, différent peut être touché, c'est-à-dire ne pas se dire, 2 millions, plutôt que de faire 500 000 entrées, on n'a plus qu'à faire 150 000, oui, 200 000 entrées. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas faire quelque chose de politique ou faire quelque chose de social ou quelque chose d'un peu plus fort ? Donc peut-être aussi voilà, un changement de CNC et un changement des producteurs. Si on leur dit, votre film, vous l'avez en un an et demi et non pas en cinq ans parce que ça va être très long, ça pourrait aménager les choses. Mais c'est vrai qu'il faut que tout le monde fasse un effort, en gros. Oui, et puis je pense que tous les projets ne s'y prêtent pas. Je pense qu'on doit pouvoir faire des films comme ça, mais il faut aussi faire des films plus classiques, on va dire, avec plus d'argent. C'est vrai que c'est difficile... Il y a certains films, on les imagine mal faits dans ces conditions-là. Ça demande plus d'ampleur. Mais c'est très compliqué parce que du coup, pour monter ce projet, il faut qu'on ait effectivement de l'argent du CNC, une chaîne de télévision, souvent une deuxième chaîne de télévision, l'argent du distributeur, l'argent de l'éditeur DVD. Enfin, il faut l'ensemble des partenaires. Et parfois, ça ne suffit même pas. En plus, il faut avoir des coproducteurs internationaux. Donc, ça devient très compliqué. Il suffit qu'une pièce manque au puzzle et puis c'est la cata. Ou alors, il faut aller fabriquer en Chine, dans le meilleur des cas, ou en Corée du Nord même, que ce soit encore moins cher, donc ça devient très compliqué. En Corée du Nord ? En Corée du Nord, oui. D'accord. Ouais. Je crois que la Corée du Sud en faisait beaucoup, mais... Ah ouais, la Corée du Nord, c'est le moins cher au monde. C'est le moins cher. C'est les plus compétitifs. Oui, on se demande pourquoi. Voilà. C'est bizarre. Il y a un certain nombre de longs-métrages. Alors, les séries, c'est courant, mais dans les longs-métrages aussi, il y a un certain nombre de longs-métrages qui sont faits en partie en Corée du Nord, ou parfois en grande ou en très grande partie. Et c'est un des grands enjeux, finalement, même dans les trois, évidemment, les deux autres seront intéressantes, mais c'est un des grands enjeux, l'animation, le long-métrage animé aujourd'hui. C'est-à-dire s'il y en a de plus en plus, on disait Mary and Max, Coraline, enfin, etc., mais en France, il y en a de plus en plus aussi. On parlait d'Alaska, Persepolis, enfin, bon, Batouin, un monde truqué, enfin, Jacques Rémy Girard, Spark qui s'y met, plein de gens qui s'y mettent. Donc, c'est un vrai, vrai enjeu aujourd'hui. On sent que le public a changé. Il s'intéresse à davantage de choses en matière d'animation. Il est beaucoup plus ouvert. Il y a un certain nombre de films qui ont ouvert la voie et maintenant c'est vrai qu'il y a des vraies possibilités. Mais l'aspect risque financier est encore tellement important que ça reste très compliqué. Et c'est vrai que si on pouvait arriver à faire des films moins chers, je pense qu'on pourrait offrir une diversité en matière de production beaucoup plus importante. Parce que sans parler de qualité, L'Âge de glace 3 est quand même le film cette année qui est pour l'instant en tête du box-office et de loin. Je crois qu'il a 3,5 millions. Alors que c'est plus que ça, je crois que c'est 6 millions. C'est 6 millions, c'est 6 millions et c'est Up qui a 3 millions, enfin c'est là-haut qui a 3 millions. Et donc en fait, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il est vraiment largement en tête devant des films de prise de vue réelle. Ce qui prouve, surtout, et parce que moi je connais plein de gens, que les adultes maintenant vont voir des films d'animation seuls, sans les enfants, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va se déplacer pour voir L'Âge de glace 3 ou Up, ou des choses, enfin là-haut, etc., sans forcément se dire, faut absolument que je traîne mes enfants ou faut que j'aille avec eux. Et donc de plus en plus sans intention. Donc une des vraies grandes questions de la journée. C'est un tout petit peu dommage, mais ça, je te l'ai dit. Hors micro, je le dis quand même, micro, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un du CNC ou quelqu'un d'un petit peu décideur. Il y en aura dans les autres, parce que c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir leur Parce que c'est de l'idée de faire des études de cas. Oui. Voilà. Donc on parle d'un film puis d'un autre. C'est pas une table. On aurait pu garder une petite demi-heure à la fin pour dire ça. Bon, on en parlera. 10h-13h, donc c'est ça. Donc 3h avec deux longs, mais deux longs. Donc 1h30, je suppose, à peu près pour chacun. Je calcule bien quand même. 3h, 2K, 1h30, beaucoup plus long, 14h, 16h, Histoire en série, avec Dimitri Granovski, un grand spécialiste de l'animation depuis un bout de temps aussi. Et qui anime la rencontre, tout à fait. Et donc, je vous lis le petit texte. Incontournable aux écrans TV, source de créativité et fleuron de l'animation internationale. Comment se profile le futur de la série française ? Et nous aurons Julien Bord de France Télévisions, Franck Equincy de Je suis bien content. Décidément. Justine Huynh-Bandfong, excuse-moi Justine si je prononce mal, d'Alphanim, Marie-Pierre Journet, je crois que c'est pas sûr, non. Juliette me fait un grand signe, mais ça sera quelqu'un de Moonscoop. C'est un réalisateur qui viendra. Mais de Moonscoop quand même. Hein. Et Sophie Chenet du CNC, par contre. Là, on amène le CNC, donc c'est bien parce qu'il y aura à la fois CNC et France Télévisions, donc on aura à la fois les diffuseurs et ceux qui donnent aussi de l'argent, enfin l'institutionnel. Ouais. Je ne sais pas si tu sais ce qui va... Oui, on va parler de ce que vient dans le petit texte. J'imagine les problématiques de la série. Juliette, tu veux faire sont... Dimitri juste pour le... Ça. Ok. On n'a pas le temps. Donc, 16h30. Et ensuite, 16h30, 19h30, production en cours. J'aurai le plaisir d'animer ce coup de projecteur sur trois producteurs. Mais on va parler évidemment des actions et questionnements du collectif des producteurs des courts-métrages. Tu nous en dis... allez. Tu as 2 minutes à peine pour nous parler de ce collectif qui a été créé il y a quelques années maintenant. Très vite, oui, il y a une dizaine de producteurs réguliers, on va dire, de courts-métrages d'animation en France. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'était il y a, je ne sais plus d'ailleurs, 1 an et demi, c'est ça ? 2 ans et demi ? 2 ans et demi. 2 ans et demi maintenant. On s'est dit qu'on allait peut-être former un collectif parce qu'on avait des enjeux à défendre et que c'est vrai que... pour représenter ces producteurs, il y avait un syndicat des producteurs indépendants avec un collège court-métrage, mais dans lequel l'animation était complètement noyée, donc pas très représentée. Et puis il y a un syndicat des producteurs de films d'animation, mais dont l'objet est avant tout de défendre la série, voire le long-métrage, mais le court-métrage était quand même très très secondaire dans leur problématique, on va dire. Donc on s'est réunis en collectif. L'essentiel, même, on va dire, tous les producteurs de courts-métrages d'animation sont dans ce collectif, simplement pour, à la fois pour mener des actions en commun et puis surtout pour dire, expliquer un peu qu'est-ce que c'est que produire un court-métrage d'animation. Donc on a des contraintes qui sont très spécifiques parfois, les expliquer à nos partenaires, que sont le CNC, les régions, et puis changer un peu les règles du jeu, parce qu'il y avait vraiment besoin de changer certaines règles du jeu. C'était pas normal, par exemple, que des courts-métrages de fiction reçoivent plus d'argent du CNC que des courts-métrages d'animation, parce que je vous l'assure, c'est beaucoup plus cher de produire de l'animation. Il y a des tas d'autres choses aussi. On n'a pas du tout la même politique en matière de salaire, par exemple, où dans le court-métrage de fiction, les gens sont payés au SMIC, mais ils travaillent une semaine maximum. Nous, on fait travailler des gens pendant des années, au moins, en tous les cas, un an pour le réalisateur et plusieurs mois pour les animateurs ou les différents postes. Donc, on ne peut pas les payer au SMIC parce qu'ils ne pourraient pas vivre. Quoi. Mmh. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, on a une convention collective qui nous oblige à les payer plus que ça. Il y a des mécanismes qui ne sont pas les mêmes. Donc, il fallait juste les expliquer. Et ça s'est très bien passé. On a avancé. Il y a eu un poids sur le CNC. Il y a eu un poids sur les salles des cultures. Beaucoup de choses ont changé. Et c'est bien, on est écoutés. Voilà. Il ne s'agit pas de tirer la couverture à nous, mais il s'agit de dire, on a quelques spécificités, il faut aussi les prendre en compte, même si on n'est pas nombreux. Même si c'est encore dur aujourd'hui, et à la fois, heureusement qu'il y a le CNC, mais c'est encore dur de faire passer un court-métrage au CNC. Ça reste quand même une difficulté. Parce que y a effectivement, parmi les gens qui sont dans les commissions au CNC, il y a des gens qui ne connaissent absolument pas l'animation, ça ne leur dit rien, et ils sont incapables de juger ces projets-là. Et voilà, juste en 2 secondes, comment ça se passe parce qu'il y a d'abord des lecteurs d'animation. Comment ça se passe très rapidement au niveau du court-métrage? Voilà, y a 2 collèges, en fait. Il y a un collège spécifique, il y a un collège pour l'animation, plusieurs pour la fiction, un pour le documentaire et un pour l'expérimental. Ce premier collège, c'est un premier choix. Il prend à peu près 4-5 projets en animation, c'est 4-5 projets sur une trentaine, qu'il monte dans un deuxième collège, qu'on appelle la plénière, où il y a un certain nombre de professionnels, dont maintenant quelqu'un de l'animation, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Ils sont combien? Ouais. Oui, voilà. Wow. Sur combien? Sur 12. D'où je crois. Hein. Oh. Mais bon, ça change déjà les choses. Les télévisions sont représentées d'ailleurs dans ce collège, la plénière. Et cette plénière a une trentaine de projets à juger et on choisit en gros entre 4 et 6 par séance. D'accord. Une grande partie est prise quand même d'animation, c'est ça, non? Au total, des films d'animation, alors là je parle vraiment, c'est ce qu'on appelle l'aide sélective, hein, c'est complètement sur les projets. Il y en a entre 6 et 10, on va dire, qui sont aidés par an. Quoi. Alors dans cette rencontre, on aura Dora Benicio. C'est 2 heures après. Hein. Benicio, qui est le film dans l'Arlequin, qu'on a déjà eu ici. Ron Dayan de Sacrebleu Productions, qu'on a déjà eu ici. Olivier Catrin des 3 ours, qui est ici présent et qu'on a eu souvent ici. On espère Hélène Vessière d'Arte France. Oui, oui. C'est sûr, elle va venir. Oui, je crois, oui. Waouh. Et Morad Kertobi du CNC. Donc ça va être intéressant parce que là, on a vraiment tout. On a toute la chaîne et ça, ça va être assez passionnant. C'est le 27 octobre de 10h à 19h30 au Forum des Images. C'est libre, l'entrée est libre, donc n'hésitez pas, venez. On est évidemment en retard. On a commencé en retard aussi. On a commencé en retard. On est en retard, mais ce n'est pas une raison. Nous, on ne va pas être en retard. On n'est pas comme ça. Juliette, tu nous redis rapidement le site internet de l'AFCA. Oui, www.afcaafca.asso.fr. Merci beaucoup à Anne. Merci beaucoup à Juliette. Merci beaucoup Olivier, qui va rajouter un dernier truc. Ouais, parce que j'ai aussi d'autres choses dans la fête. Je monte une table ronde. Ah d'accord, je crois que tu allais me parler de ta vie. Je fais autre chose dans la vie et je vends... Je fais une table ronde sur les métiers de l'animation le 17 octobre de 14h30 à 17h à Évry, la salle du conseil de communauté de l'agglomération. Donc on évoquera différents métiers de l'animation. On invite des professionnels et on va parler de ce que c'est que fabriquer un film d'animation et des métiers. Et puis le samedi d'après, je présente une rencontre avec mon associé Serge Elissane autour de ses courts-métrages à la médiathèque d'Evry. T'es payé pour tout ça? Oui, oui, oui. Ben, c'est incroyable. On va lancer le générique de fin qui est... Le générique de fin qui est la musique, ça y est, j'ai un trou de mémoire, dites-moi Microcosmos, etc. Le mec qui a fait la musique, qui est français. Oui. Donc qui a fait la musique de Coraline, le dernier film d'Henri Selick, et c'est énorme. Bruno Coulet, merci Juliette, qu'osez pas le dire. Il sera présent pendant la fête d'ailleurs. Et il sera présent, donc on écoute juste un morceau de Coraline de Bruno Coulet. On se retrouve dans un mois. C'était Bulle de rêve, l'émission 100% animation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.